Ils s'étaient revus là-haut dans les Pyrénées. Ils s'étaient rencontrés à Paris dans un lycée. Il était pion, elle élève. Elle s'appelle Christelle, mais ça s'écrit sans le H. Lui c'est Rafi, pas Richard, sinon il se fâche. Il était là pour elle. Déjà en archi, Rafi était un tchatcheur. Qui sait ce qu'il a pu lui dire pour lui prendre son cœur? On saura pas ça. Mais l'important c'est qu'aujourd'hui il se marie. Lui seul a trouvé les mots pour qu'elle lui dise oui. Et c'est bien comme ça. Ça oui. Il s'agit de deux personnes de volonté qui veulent juste vivre ensemble. En ce moment que pour moi c'est aussi l'occasion de chanter. Que si tout le monde était comme eux, ah oui nous serions bien en France. Dans un pays aux mille couleurs, toutes mélangées, toutes mélangées. Elle s'appelle Sabia, elle est d'origine tunisienne. Lui c'est José, un mec sympa, c'est pour ça qu'on l'aime. Il était là, bien sûr pour elle. Et puis nous sont apparus un certain Nasser Antoine. Une Iliana, encore bien loin d'être une femme. Et Emma Lisa, la plus belle. Et puis à ces idiots qui pensent qu'il est préférable de rester entre soi, de ne pas tenter le diable. Je les comprends pas ça. Mais l'important c'est qu'aujourd'hui en plein Paris, des mains plus ou moins claires sans complexe s'associent. Et c'est mieux comme ça. Ça oui. Il s'agit de mille personnes, mille volontés qui veulent juste vivre ensemble. En ce moment que pour moi c'est aussi l'occasion de chanter. Que si tout le monde était comme eux, ah oui nous serions bien en France. Dans un pays aux mille couleurs toutes mélangées. Chaque fois que je croiserai ces gens fermés qui méprisent les différences. Je jure que pour moi ce sera l'occasion de crier. Que si tout le monde était comme eux, ah oui nous serions bien en France. Dans un pays d'intolérants et de mal aimés. Mais y'a tant de personnes, tant de volontés qui veulent juste vivre ensemble. Oh c'est sûr que pour moi c'est aussi l'occasion de rêver. Car si tout le monde était comme eux, ah oui nous serions bien en France. Dans un pays